visage à mort, j'ai couvert de baisers, une enfant poudrée d'or dont les yeux se taisaient. Vieux diable sans désir, de son mot j'approchais, enivré des soupirs que ses lèvres m'offraient. Dans le creux de nos cheveux.